bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow. Les MC Sky, les MC Style, quand je pars en freestyle, cache qui grave comme sur la East Side, Trisman, Mera, Kai, Kayas, la fille, Kai, on met de la dick, ride sur Sky pour qu'ils se calment. Mais la jeunesse, les rides, je suis tout Sky, les routes, les rides, des filles ou de la maille, des fonces, tout ta night. Ah, au milieu de tout ça, moi j'ai pris le mic. Ah, les délires sont des kids, devine qui fait le strike. Les flow est dans la place, les crash, les flash, le son est fat, les boîtes, les casse, les watts, éclate, les crânes. C'est les Micmac, les MC qui quittent l'endroit. Repose le mic, même Biflo l'a pris avant toi. Les marages, la ravage, du balance, les rafales. J'fais des rapages graves et des rafales. Sur mes tracks, les strats, tous les gars qui barrent sur mon rap. Les attrapes, leurs facasses, le crâne à coups de matraque. Pourquoi tu parles, moi quand j'rappe, je ne crains personne. Car dès que je prends le mic, je suis Michael Jackson. Tout le monde se demande mes succès, des guillemets, des rimes graves. Des guillemets, des lignes sales, tous les guillemets, des billets de taille. J'ai des milliers de rimes, c'est mimi, il m'imite, il m'inimise. Le mythe, c'est une lite et les élimine. J'ai mis des mines, domine, les mythes, ma mine, les imines. Les MC sont mine, pine, c'est unanime. Ok, moi c'est parce que je suis ça, à ça la pista, tous les MC assistent à l'histoire, avise-toi, on arrive si tu veux que je te dise quoi. Et tous les connards qui parlent de lit sont sur ma liste. Moi je suis comme un ouragan, parce qu'on faisait du lourd avant. On prenait le mic, on faisait des claques et on faisait ça couramment. Ha. Les rappeurs ne pensent qu'à taper, ils parlent, ils clashent, mais ils oublient de rapper. Ok, mon frère c'est mon clone, tu peux l'appeler Jolie. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Et je les entends qui rigolent, tous les MC alcooliques. Big Flow et son acolyte, ils sont des signes que des catholiques. On vient griller vos types catholiques, brûlez vos tories. Vous êtes mon lit, pas les sous-estimer, on vous la trollie. Avoue que c'est comme comme un homme qui fait coller atomique. Et je dégomme les connes, je donne ses promis. C'est Big Flow et Oli, dis-moi si t'as suivi. Je préfère avoir peu vécu que m'inventer une vie. Le rap fait pitié, je sais pas ce que t'en penses. Si on est derrière toi, c'est qu'on a déjà un tour d'avance. Si trop ça facile, c'est qu'on m'a commis d'office. Ah, ça sert du chromis au prime, c'est Oli le kid. Kiki, c'est pop kid, c'est qui qu'on m'a remis le titre. Mortine, au milieu de la ville aussi, le hostile. Aussi, artiste, lick vite, c'est profil. Même tes égoïstes autistes, ton profil horrible. Arrête tes stories des villes au chromis, c'est godi. J'évite tes clips pathétiques, te rappeler, il dérive, c'est commis. Y'a le fond, la forme, tu sais con, j'attends. Bon, d'accord, je jongle avec le son, c'est fort. Le monde donne même une leçon, c'est donc un comble en sorte. Et si quelqu'un rappe mieux que moi, mais dis-moi comme la porte. J'applique et stick comme il est statique. Classique comme Nas, elle dit filmatique. Technique, bref, vite, le rap est magique. Panique, les critiques gravitent, mes publics s'agitent. Alors lancé, j'ai des clins de les yeux grands ouverts. Le festin va commencer, j'ai même pas mis les couverts. Faut que je calme mon flow de malade, faut tout est ouvert. Mérite les médailles, je me balade comme un Vancouver. C'est que j'ai vu, qui plastique des mots. Tous les requins veulent me voir, ils veulent m'avoir. Nemo, rage, rage, t'as du mal à en voir le bout. On a fait des premières parties à des MC plus mauvais que nous. Prince, la joue est gangster, cette engraine. Terre, et quand même ça mène, je l'enferme à l'enterre. Mais c'est interne, c'est éteint, ça m'enterre. C'est interne, c'est l'enfer, un expert. Ramenez-vous au concert. Ravez les gommes, mes photos s'étonnent, je t'attends. Ravez les gommes, depuis l'époque de la cour de l'école. Efficace les corps, je t'avance les autres, je tape le top. Dédicace le trône, efface les gars qui sont pleins dans les bords. Ah ouais, en fait, ça kiffe, c'est les gosses. Je suis comme Bon James, ici je suis Bon James. Un défi, t'apprécies, mais si je suis le génie, le Bon James. La chaîne des festivals, festival, on dit que c'est tout pété. Rappelle-moi mon âge, à mon âge, poto, où t'étais. Mon texte quand on teste trop, t'empêtes la pesto. J'enquête, t'as du resto, de crypto cristo. J'ajoute un zeste presto. En studio, je coupe plus la radio, c'est temps-ci. Remballe ta clope, ta drogue, je fume que du MC. Regarde les scénarios, ils ne savent se traîner. Le rap c'était mieux avant, avant j'étais pané. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école.